demander à Chopin s'il pouvait expliquer qu'est-ce que c'est pour un homme une polonaise. Qu'est-ce que c'est une ballade? Il y a une forme classique de ballade à la Chopin? Non. Il y a une forme de bolero à la Chopin? Non. Chopin a fait à sa façon une musique de son goût, une musique de sa compréhension. Il a donné le titre de scherzo, un titre que donne l'auteur, de quelque chose qu'il lui imagine d'une façon différente. Mais moi, je m'approche plutôt de Beethoven, parce que j'aime beaucoup sa forme. Mais c'est la symphonie. On peut pas. Il y a toujours. Qu'est-ce que c'est une symphonie? Dans mon point de vue de tous ces gens qui écrivent une symphonie, c'est une musique pour la musique. Musique supérieure, musique intellectuelle. Ce n'est pas une musique pour être sifflée pour tout le monde. Alors, quand il y a une symphonie, quelqu'un cherche à donner des effets de spécial, côté exotique, folklore, ou quelque chose pareil, et je ne crois pas tout à fait correct l'appeler de symphonie. En tout cas, si quelqu'un qui compose une musique, n'importe qui, il l'appelle de symphonie, il a le droit de dire je donne le nom de mon fils des sardines, de boîte à sardines. Et d'ailleurs, il y a des gens, je connais beaucoup de gens, qui donnent son fils, par exemple, boîte à sardines, morceau de pain, tout comme ça. Les noms, faire enregistrer, et comme ça. Et alors là, c'est le droit que quelqu'un peut avoir de donner le nom qu'il veut à son nom, à son imagination. Même chose, j'ai la prétention de croire que j'ai donné une forme tout à fait spéciale. Car j'ai étudié comment devait être construit. Alors, et pour arriver à une dimension très grande, j'ai commencé tout à fait pour le principe. Ça veut dire, j'ai commencé pour quelque chose qui me donnait la raison d'être de choses. Qu'est-ce que c'était cette chose? Cette chose, c'était la musique populaire. Les choros au Brésil, comme tu peux dire samba ou autre chose, mais vraiment les choros sont toujours des musiciens qui jouent, des bons mauvais musiciens qui jouent à son bel plaisir, souvent pendant la nuit, faites des improvisations, où le musicien montre sa vocation, sa technique, et est toujours très sentimental. Voilà la question. Si, par exemple, si un type prend le trompette, chez nous, ça s'appelle piston. Soyez trompette à fa, soyez si bémol, soyez là, est toujours piston. Comme ça, quelqu'un qui veut me demander qu'est-ce que c'est le piston, commence à savoir. Alors là, un autre. Prenez le off-quiz. C'est un instrument peut-être qu'il y a beaucoup de gens ici qui ne connaissent pas. Alors, un piston, off-quiz, une clarinette ou une petite clarinette, une guitare, parfois un violon, violon. Alors, parfois ce sont des musiciens d'orchestre qui jouent l'opéra ou en concert, fini par exemple le fonceur à minuit, 11h, on se touche, nous allons faire une sérénade ou une céreste ou une chose, voilà. Alors, sont tous d'accord, alors on prend le chemin des fers, vont les environs très loin, chercher quelqu'un pour manger, qui boire de cachaça, c'est très bon. Cachaça au Brésil, c'est une espèce de vodka, mais nous aimons beaucoup, surtout moi. Alors là, nous allons frapper la porte dans les yeux, nous savons qu'il aime beaucoup ça. Mais avant de frapper la porte, nous jouons tous d'improvisation, du moment. Chacun joue. Mais voilà la question, les choses. toujours des choses très sentimentales. Si quand je lui pose la bouche, ça n'est pas chose. C'est pas du tout chose. Là, on appelle POC au choule. Nous appelons, dans ce temps-là, où ça fait 50 ans, ou presque 60 ans. Et là, mais si fait, c'est déjà chose. Vous voyez? Si vous faites, c'est bien brésilien ça. Ça s'appelle une poque, une choule. Choule, même pour faire la danse. Mais quand il fait la même musique, alors, ça c'est le thème principal. L'autre improvise, moi par exemple dans le saxophone, je faisais ta. Ça c'est les choses. Alors il y a l'offre-clic. Et ça fait un contrepoint d'une merveille, bien supérieure à tous les contrepoints classiques. Parce que si tout le monde joue avec son cœur, sans les traiter, sans les règles, sans rien, à liberté de l'art. C'est très joli. Voilà les choses. Ce genre de musique, cette technique spéciale, qui moi, personnellement, j'ai participé, j'ai dit, mon Dieu, il faut que je fasse quelque chose très élevé, dans le sens à côté de bord. Ça veut dire très haut. Et naturellement universalisé. Alors j'ai pris tous ces thèmes, j'ai étudié une façon de contrepoint logique, mais pas contrepoint scolastique, parce qu'il y a beaucoup de cartes, les cartes qui se mélangent, qui comme dans la règle contrepoint, et nous faisons, et que c'est très joli. Alors là, nous avons pris toutes ces. Moi, j'ai pris tous ces systèmes et j'ai commencé avec l'instrument typique de choses. C'est toujours la guitare, qui chez nous s'appelle violon. Alors j'ai commencé avec le violon. Je fais une chose typique. Après, je fais un genre de musique de chambre. Plus prétentieux, vous savez. Chose, l'improvisation, la chose de l'âme pure, etc. Dans la forme des musiques de chambre. Oh, c'est une grande portation. Alors, je fais, qu'est-ce que c'est fait? Je fais la synthèse des effets. La synthèse de la technique. Alors, je prends la flûte et les clarinettes, qui sont parfois des instruments qu'on ne joue pas en chose. Et nous avons fait, j'avais fait des combinaisons pour arriver au contrepoint, pour arriver en chose. Après, je fais avec trois instruments. Après, je fais les quatre instruments. Et alors, je dis tout à fait quatre instruments possibles. Et alors, je dis, pour mettre off-clit, personne ne joue plus off-clit. Pour mettre le saxophone, saxophone dans ce temps-là était une mauvaise classe. Et alors, pourquoi faire? Mettre le piston, la trompette, le trombone. Non. Qu'est-ce que moi je veux faire? J'ai mis trois cornes et un trombone à colise, mais dans une tête tout à fait logique. Mais j'ai profité de tout ce système de musique improvisée que nous faisons. Alors là, j'ai développé jusqu'à faire une grande chose qui dure, c'est la barre, parce qu'elle dure une heure. Voilà les choses.